Mais tout d'abord, on va partir à la rencontre de la famille de Louis Millon. Elle habite en Isère. Rémi Pierre a rencontré le petit Yanis. Yanis Millon a 8 ans, mais aussi Catherine, sa maman, et son oncle Alain, ses descendants qui s'apprêtent à vivre une cérémonie pleine d'émotions aujourd'hui. Il s'appelait Louis Millon. Son surnom, c'était Johannes. On voit sa plaque militaire. On voit des boutons de vareuse. On voit sa boucle de ceinture, une boucle de ceinture qui appartenait à mon arrière-grand-oncle. Ouais, ça me touche. Je suis la maman de Yanis, l'arrière-petite-nièce de Louis Millon, du soldat Louis Millon. Je savais qu'il y avait un ancêtre qui avait fait la guerre, puisqu'il était marqué sur le monument aux morts dans son village natal de Saint-Victor-de-Sessieux. Mais après, je n'avais jamais vraiment entendu parler de lui, et on a découvert sa brève histoire quand on a découvert ses ossements. Comment vous avez réagi? Qu'est-ce que ça a provoqué chez vous? On se pose des questions, savoir qui était cet homme et surtout ce qu'il a vécu. On se rend compte qu'il a dû souffrir énormément pendant cette guerre, qu'il était seul et surtout qu'il n'est jamais revenu dans son village, qu'il n'a jamais revu ses parents et ses frères. Donc c'est vrai qu'il y a un côté assez triste dans cette histoire et aussi de la fierté de savoir qu'il a pu être inhumé et qu'il a aujourd'hui un endroit où éventuellement nous on pourra se recueillir. Et on pense à tous nos ancêtres, à ses parents, ses frères, qui auraient été heureux de savoir qu'on a pu retrouver sa dépouille. Je suis un arrière-petit-neveu. Il y avait 3 frères. Le premier, notre ancêtre, a échappé à la guerre, c'était l'aîné. Louis est parti, est resté. Et ensuite, Henri a eu aussi des descendants qui sont nos cousins, qu'on fréquente et certains qu'on a découverts grâce à cet événement. Cet ancêtre a vécu des circonstances terribles. Il est mort tout seul, abandonné comme une machine. On a rendu à cet homme qui était simplement une suite d'écriture, sa taille, ses yeux, la couleur de ses cheveux, son identité. Et on a retrouvé un corps, il a retrouvé sa famille, des gens de son village, son pays qu'il a reconnu. Et c'est donc une sorte de dignité qu'il lui a rendue. On lui a rendu un hommage comme si c'était un soldat qui venait de décéder dans une guerre présente, en Afghanistan ou au Mali. Pour les anciens combattants, c'est un camarade, alors que c'est quelqu'un qui est mort il y a 100 ans. C'est une sorte de dignité qui lui est rendue, témoignage poignant recueilli par Rémi Pierre, l'un de nos correspondants en Rhône-Alpes. Pauline Jacquot, je reviens vers vous. Vous l'avez rencontré, cet archéologue qui a retrouvé les ossements de Louis Millon. Racontez-nous, comment ça s'est passé? Eh bien, nous sommes dans le Pas-de-Calais en 2016, où l'on s'apprête à construire des lotissements. Et comme c'est aussi l'un des théâtres de combat de la Grande Guerre, des archéologues spécialisés viennent vérifier s'il n'y a pas sous terre des vestiges à préserver. Laetitia Dalmo et son équipe commencent alors à creuser, et voilà ce qu'ils découvrent. On est tombé sur un squelette. Il était avec des boutons de vareuse, de la grenade française. C'est un motif en fait qui permettait l'identification des soldats entre les uns et les autres. Et en plus, on sait que ces boutons-là, ils n'ont pas excédé le 1916. Et dans sa main, il avait une plaque d'identification. On retrouve aussi des bottes, des pièces de monnaie. Les gendarmes viennent constater la découverte. C'est le protocole très strict. Si un archéologue tombe sur un soldat anglais, par exemple, il n'a pas le droit d'y toucher et doit obligatoirement contacter les services britanniques. Est-ce que pour les identifier, ces soldats, ces poilus, la science d'aujourd'hui est plus puissante qu'avant ? Oui, on peut faire des prélèvements ADN, mais c'est très rare et ça coûte aussi très cher. Ça fait du cas de Louis Millon une histoire exceptionnelle. Il a été retrouvé et surtout identifié. Pour vous donner une idée, dans le Pas-de-Calais, on ne retrouve qu'une dizaine de soldats chaque année, parmi lesquels les archéologues n'en identifient qu'un ou deux maximum. Et lorsqu'ils sont identifiés, Pauline, on l'a entendu dans le témoignage, c'est un moment intense, émouvant pour les familles, car d'une certaine façon, on leur rend une partie de leur histoire. Et ce n'est pas simplement un corps, on leur donne ce jour-là beaucoup d'informations sur leurs ancêtres. Grâce aux fichiers des régiments, on connaît le moindre déplacement des soldats jour par jour et ça permet d'éclairer la famille sur ce qu'ont été les derniers mois et même les derniers jours de leur aïeul. Merci Pauline Jacquot de la rédaction d'Europe 1 pour ce reportage, ces explications, hommage rendu donc cet après-midi à Louis Millon à la nécropole de Notre-Dame de Lorette dans le Pas-de-Calais en présence de sa famille et du président de la République. Ce sera un moment inoubliable.